Pour un nouveau numéro de l'Asile le plus sûr à 21h30, passé de quelques minutes, quelque peu de difficulté pour pénétrer dans les studios de Canal B avec une porte qui a dû se gondoler à cause de la chaleur, ce genre de choses. Donc difficile de rentrer à l'Asile cette semaine, mais c'est chose faite. Vous pourrez bénéficier d'1h30 de musique fraîche et colorée que vous pouvez d'ailleurs retrouver à partir du blog asile35.blogspot.fr. Ça c'est pour les podcasts et les émissions en différé et sur l'antenne du 94, donc bien évidemment jusqu'à 23h. Et je propose d'attaquer avec une telle canicule avec la musique de monsieur Omar Souleymane et un extrait de son dernier disque qui est sorti au début du mois de juin, qui s'intitule tout bonnement To Syria With Love, son pays d'origine qu'il a dû quitter il y a de ça quelques années à cause des événements que vous savez. Il s'est réfugié en Turquie et continue ses gigues endiablées. Il a perdu une partie de ses acolytes, notamment l'excellent claviériste qui avait aussi sorti un disque sur Discrépante, monsieur Rizan Saïd. Donc c'est une musique peut-être un poil plus commerciale pour ce nouvel opus de Omar Souleymane, lui qui avait été découvert notamment par les bons soins du label Sublime Frequencies dans les années 90-2000. C'est le deuxième album studio, souvent des disques live pour Omar Souleymane. On écoute le titre S Samra par Mr. Souleymane Omar. السمرة زعلانة ومن زعلها مدري حبيب القلب ولا هلها لا العيشة الصمرة زعلان ومن زعلها مدري حبيب القالب ولا أهلها منه يروح بهالساعة ويقول لها محبتها معقودة بدم الشريان منه يروح بهالساعة ويقول لها محبتها معقودة بدم الشريان يا قلبي وما قلت لك هذا المغرور بحاله ألا يذلك ما قلت لك يا قلبي وما قلت لك هذا المغرور بحاله ألا يذلك إذا تريد النصيحة أروح أحسن لك دور لك على واحد وانت الربحان نهار يا ابو العيون السود المليان اسرار تمنيتك معايا ليل ونهار يا ابو العيون السود المليان اسرار محتار القلب لحبك والله محتار دار القلب لحبك والله محتار يبا المعانى الحلوة يقلى انسان مرتنا البارح وحدة شي مع معقول مرتنا البارح وحدة شي مو معقول على ميل تخيص راح تميل اسطنبول مرتنا البارح وحدة شي مو معقول على ميل تخيص راح تميل اسطنبول قالوا شواخة لأحمد عنها شو تقول قتل عنده وأصفها عمر سليمان قالوا شواخة لأحمد عنها شو تقول قالوا شواخة لأحمد عنها شو تقول قتل عنده وأصفها عمر سليمان معقول على ميل تخيص راه تميل اسطنبول. لقتنا البارح وحدة شي مو معقول على ميل تخيص راه تميل اسطنبول. قالوا شواخ آل أحمد عنها شو تقول؟ قلت شواخ آل أحمد عنها شو تقول؟ إيه قالوا عدها واصفها يا ابن العربان. أولي جالو تهو أولي جالو تهو أولي جالو تهو Oli jalu ta ho, oli jalu ta ho, oli jalu ta ho, oli jalu ta ho. Yele ko da mpe, ole ni ka, babu memle map. Ya ya ya, ya ya ya, ya ya ya, ya ya ya. Kosei nani hata ya kufanya kazi Tumekuwa romba romba kama ndege Tumekuwa watu kama tunawezo Tumekuwa kama watu tunawezo kufanya kazi Sisi na huku tunazo akili na uelewa kwetu Tanzania yetu Un poil libératoire pour démarrer l'asile de cette semaine pour votre serviteur qui était enfermé dehors, qui ne pouvait pas retourner à l'asile. Voilà, donc on a démarré avec Omar Suleiman et son nouvel opus qui s'intitule « To Syria with Love » avec comme toujours son électro Shahabi ultra vitaminé, un style qu'il a hérité de son pays natal donc la Syrie, avec des styles chats bien particuliers selon les différentes villes, notamment la Jésirée au nord-est, dont il est originaire du côté de Alep, lui qui s'est exilé en Turquie. Et donc une musique peut-être un poil moins aventureuse, moins électrisée dans tous les sens que les précédents opus. Celui-ci est sorti sur le label de Diplo, Mad Descent, mais c'est une très bonne entrée en matière dans l'univers de Omar Suleiman si vous ne vous y êtes pas encore risqué. Et on a enchaîné avec le Tanzania Albinisme Collective, avec ce disque White African Power, publié par l'excellent label Six Degrees, du producteur Yann Brennan, qui a voyagé du côté de la Tanzanie et notamment l'île de Ukerewe, qui est à quelques miles de la Tanzanie, pour rencontrer toute une communauté d'albinos très très activistes dans les revendications, eux qui ont pas mal subi différents pogroms en Afrique depuis pas mal d'années, qui se sont réfugiés apparemment, cette communauté, donc dans cette île où ils sont assez actifs politiquement. Et ce disque est un peu né à la suite d'un atelier que Yann Brennan a coordonné en compagnie de différents collectifs et différents musiciens qui n'avaient pas eu l'occasion d'enregistrer jusqu'à ce jour. Et ça donne 23 pièces, plutôt des miniatures. Je vous en ai passé 3, très très curieuses, toujours en langue swahili ou dans les dialectes locaux, le jita ou le kikirewe. Et les musiciens tanzaniens jouent avec un instrumentarium assez varié, des cordes, des instruments un peu bricolés maison aussi. C'est vraiment assez incroyable, ce disque, des miniatures qui partent un peu dans tous les sens. Alors les titres sont peut-être un petit peu trop courts pour pouvoir vraiment apprécier le talent des différents artistes présents sur ce florilège Tanzania Albinisme Collective. En tout cas, c'est vraiment très très recommandable, je ne dirais même pas chaudement recommandable vu la température ambiante. En tout cas, c'est des thèmes de libération et différentes chansons entre ce titre African Power qu'on entendait au début, un petit peu sarcastique, et aussi des chansons assez émouvantes comme celle qu'on entendait Peace Has Vanished pour conclure cette séquence, sorte de musique brute et très très incroyable dans sa construction. Et le label Six Degrees n'est pas à son coup d'essai pour ce genre de choses. Monsieur Brennan avait déjà produit des musiques issues des prisons de Zambie, par exemple, et ce genre de choses. Donc des disques, il alterne un peu entre des disques de musique pop, mais de pop assez intelligente et assez raffinée, et des choses un petit peu plus dans un côté on va dire musique de captation de communauté qu'on n'a jamais l'occasion d'entendre. Très très bonne compilation et un label à suivre de toute urgence, donc Six Degrees et ce Tanzania Albinisme Collective. On va enchaîner avec le retour de Monsieur Amos, dont on vous parlait pas plus tard que la semaine dernière. Amos alias Jim Walton alias El Wag, et quantité d'autres surnoms tels que Narky Bryance, King Cobra, etc., etc. Un musicien plutôt d'obédience punk de la deuxième génération en Angleterre, qui avait fait partie de la formation The Homosexuals à partir de la fin des années 70, à partir de 1978 d'ailleurs. Ils avaient produit différents disques, notamment il y a eu des choses sur Recommended Records, le label de de Chris Cutler. Ils étaient assez proches d'ailleurs d'un certain mouvement Rock in Opposition de l'époque, très do it yourself, en tout cas la musique de Jim Walton, notamment avec ses collages post-punk qu'il avait produits sur son propre label It's War Boys, différentes cassettes qui revoient le jour au fur et à mesure des rééditions. On avait eu l'occasion notamment d'entendre ces dernières années des productions aux éditions supérieures Viaduct, notamment l'excellent projet Milk from Cheltenham, également Amos and Crew, qui était une autre cassette de 1982, et cette fois-ci c'est Amos and Sarah et le disque Amos and Sarah Sing the Private World of Amos, produit à l'époque en cassette en 1981 sur It's War Boys. Et donc ça vient tout juste d'être réédité en vinyle, ce qui est plutôt une très très bonne chose. Donc on va écouter deux titres enchaînés de ces nouvelles productions de Amos, qui ne sont pas du tout calés d'ailleurs. Donc on va essayer de vous les caler tout de suite. Et on écoute le morceau pour démarrer, Just What Is Your Gripe, par Amos and Sarah. What is your gripe? Avec Jaurès, mais vous êtes pas tombé sur là. J'étais socialiste. Et puis avec Jules Guest, les ouvriers. J'étais socialiste pour la paix. J'étais socialiste. J'étais socialiste. J'étais socialiste avec Léon Blum et le Front Populaire. J'étais socialiste. Les Espagnols dans les camps, les révolutionnaires tous fuyaient en Espagne. J'étais socialiste. J'étais socialiste pendant les grèves, les 9 juin et la semaine de 40 heures dont tout le monde se fout. J'étais socialiste. J'étais socialiste avec Gilles Moll. J'étais socialiste avec le ministre de l'Intérieur de 47 et la répression des grèves des bassins miniers. On leur a tiré dessus. J'étais socialiste. J'étais socialiste pendant la guerre d'Algérie. J'étais socialiste avec François Mitterrand. Et aussi j'étais socialiste. Les arrêts de mort de la guillotine des Algériens. J'ai été socialiste. Et puis j'ai fait le congrès d'Épinay, le programme commun. J'ai été socialiste. Et puis avec Mitterrand, à mes revenus. J'ai été socialiste. Et puis j'étais avec les Rocardiens. Et Jacques Attali. Emmanuel Valls. Et je dis le chef socialiste. Et Martine Aubry. Et Benoît Hamon. Et Ségolène Royal. Socialiste. Et François Hollande et l'état d'urgence. J'étais socialiste. J'ai été socialiste avec Jean-Luc Mélenchon, avec la gauche du PS et Henri Emmanueli et Gérard Filoche et Harlem Désir et SOS Racisme. J'ai été socialiste et puis au MJS. Et puis à l'UNEF avec Sauvageau en 68 et Bruno Julliard en 2005. J'ai été socialiste. Et puis les Vélib avec Delanoë. J'ai été socialiste. Et toujours été socialiste. Et toujours été socialiste. Thank you. Séquence des familles totalement hoquetantes dans l'asile le plus sûr qui a démarré avec tout d'abord l'excellente réédition de Amos and Sarah, l'un des side projects de Monsieur Amos, du post-punk londonien du début des années 80, plutôt dans les musiques un peu barges de l'époque, avec donc cette réédition par les éditions, les jeunes éditions Sing Song Fighter, d'une cassette qui était sortie en 1981 sous le titre Amos and Sarah Sings the Private World of Amos, je ne sais pas du tout qui était la fameuse Sarah. Je crois que c'était plutôt Chris Gray qui officiait à ses côtés. Il y avait aussi une voix de femme d'ailleurs sur différents titres de cette cassette, j'allais dire ces cassettes, puisqu'il y a eu plusieurs projets sous le nom Amos and Sarah jusqu'en 1983. Amos and Sarah Invite the Endless Latino et ce genre de choses, toujours dans un registre un peu post-punk assez barge, avec des voix un peu pitchées et un peu bizarres sur certains titres, et des choses qu'on a pu entendre un peu sur d'autres cassettes qui ont été rééditées, notamment aux éditions Supérieur Viaduct, comme Milk from Chiltman, ce genre de trucs, donc des un peu tout l'underground post-punk londonien qui est réédité par les labels de réédition bien connus en vinyle exclusif, qui réédite à l'identique ces cassettes qui ont dû être tirées, je pense, à peu près à 30, 50, 100 exemplaires à l'époque. On a enchaîné avec cette fois un autre disque très do-it-yourself. Il s'agissait du projet Le Gros, avec un CDR sous le nom de Cher Ami. Et Le Gros, on nous dit que c'est Marius Loris et Thomas Yedragon, et ensemble ils ont fait paraître sur les éditions No Lagos Music ce CDR qui sonnait peut-être un peu bizarre pour les gens qui nous écoutent d'une autre contrée que l'Hexagone, avec cette musique un peu funéraire, on pourrait dire. Le titre, J'ai été socialiste, avec donc une cassette, un CDR avec une sérigraphie assez chouette, puis pas mal d'autres choses aux éditions No Lagos, des compilations diverses et variées des artistes mondialement célèbres tels que Terrine ou encore Jacques Tolo Forever. Je ne sais pas du tout qui sont ces gens, mais en tout cas ils produisent des choses assez amusantes. Et on a terminé avec un autre projet qui n'avait pas vraiment vu le jour de manière discographique à son époque. Il s'agissait de The Honkies, et cette édition How Do We Prevent the Advance of the Desert, qui vient d'être éditée aux excellentes éditions Musique à la Coque, qui est un label de Paris et non pas de Paris, et qui est C'était un projet donc qui existait vers 1980, entre 1987 et le début des années 90 entre l'Angleterre et l'Europe, qui réunissait plutôt des musiciens également de la perfide Albion. En tout cas, il y avait dans ce projet Zion Keys Andy Diagram à la trompette. C'était l'un de ses premiers projets avant qu'il intègre les Tuple Boys de David Thomas et autres Space Aids, qui sont toujours en activité depuis une bonne vingtaine d'années que ça existe et que c'est toujours très très bon avec sa trompette processée. Et dans ce projet, on trouvait des gens peut-être un poil moins connus, quoique la saxophoniste et aussi vocaliste Caroline Crabeux a officié longtemps sur l'excellente station londonienne Résonance FM, et elle a été aussi à la tête du collectif le London Musician Collective, donc des musiciens très proches des scènes improvisées européennes et britanniques, des gens tels que Charlotte Hugues, Varian Weston, Maggie Nichols, etc., etc., et qui s'essayaient donc à une sorte de post-punk très vociférant à cette époque des Honkies. Ils étaient quatre, le batteur qui utilise aussi de la tronçonneuse et ce genre de choses, et c'est sorti donc par cette excellente marque Musique à la coque qu'on suit à la trace, et aussi on suit la ligne jaune de l'œuf, donc avec notamment le précédent Topus qui était sorti, qui était des choses un peu noise jazz et un peu punk également italienne, l'excellent projet Bzz Bzz You qu'on vous avait proposé aussi dans l'asile, également des disque de Jadfer, du Tombité, de Tanz of Danzig, et aussi le projet de Pierre Bastien, New Creative Method. Ça c'était dans les tout débuts du label Musique à la coque, qui mélange donc les idiomes un peu free, noise, no wave, unfolk, kitsch électronique et compagnie, comme ils le disent eux-mêmes très bien. On va continuer avec cette fois-ci un musicien qu'on vous a proposé aussi dans des projets plutôt à lui. Il est autrichien, il est saxophoniste, flûtiste, il est né à Londres et il a pas mal de projets depuis quelques années. Notamment, vous avez passé un excellent disque The Peeled Eye qu'il avait sorti en 2015 aux côtés de Martin Sievert et autres Steve Weiser et Christian Weber. Donc c'est un saxophoniste plutôt très très basse, très très baryton. Il le joue assez à merveille, ce qui n'est pas chose aisée. Et là, on va l'écouter en compagnie de Couscous, qui est un collectif plutôt noise rock d'Autriche d'ailleurs, avec un disque qui est sorti fin 2016 aux éditions Noise Appeal Records. Et on va écouter le titre qui démarre, qui s'intitule Derwish. séquence un poil charpenté dans les îles Pussures qui a démarré avec le fameux couscous mené par le saxophone baryton de Boris Hof, projet autrichien. Alors je suis pas sûr qu'il soit basé en Autriche, j'ai l'impression qu'ils sont un peu en Allemagne aussi et ailleurs ces gens-là. Et là il s'agissait d'un disque qu'ils ont fait paraître aux éditions Noise Pill Records à l'automne dernier, qu'on vous avait pas proposé encore, qu'on n'avait pas eu l'occasion de vous passer. Donc un projet couscous, c'est clarinette et basse électrique et aussi différents électroniques et sax, guitare et batterie pour Ralph Walco Binger, voilà. Et tout ça donc rejoint par le baryton de Boris Hof. Le disque est plutôt assez bon, donc sorti toute fin d'année 2016, ouais, sorti même à l'hiver. Et on a enchaîné avec l'Orchestra of Constant Distress, qui est un premier disque, si je ne m'abuse, aux éditions 8mm Records, qui vient tout juste de paraître et qui réunit quatre stars, on pourrait dire, de la musique noise suédoise, en les personnes des deux membres des Skull Defects, le guitariste Joachim Nordwall et le batteur Henrik Rylander, qui sont rejoints par deux autres acolytes, monsieur Anders Brynjelsson, alias Drajan, qui fait partie des Brain Bombs, le projet de noise trans suédois qui existe depuis les années 80, qui est un peu une légende en la matière. Eux qui ont été invités notamment au festival Sonic Protest il y a de ça quelques années. Et donc l'autre suédois, c'est Henrik Andersson, beaucoup de Henrik en Suède, qui lui fait partie de Human Waste. Et donc ce disque éponyme qui vient tout juste de paraître aux éditions 8mm, qui est vraiment, vraiment très très bon. D'aucuns le trouvent un poil trop répétitif, tendance à dire qu'il se passe pas grand chose, que les sonorités sont pas assez riches, mais franchement je trouve que c'est plutôt de la noise du free rock tel que, en tout cas, on peut vous la proposer dans les îles Pussures, de très très haut niveau par ces quatre musiciens, et notamment Joachim Nordwall, qui produit beaucoup beaucoup de choses en ces temps, avec pas mal de disques qui sont sortis ces dernières années, 2015, 2016 et 2017, notamment des collaborations aux côtés de Mats Gustafsson. Ça, c'était aux éditions Bossian Records. Pas mal de choses aussi sur son propre label qu'il a depuis une demi-douzaine d'années, Ideal Recordings. Et il fait aussi un festival du côté de Göteborg, où il réunit un peu toute la tribu des musiques free, improvisées, noise et expérimentales. Voilà donc pour l'orchestre of Constant Distress. Je vous ai passé peut-être un morceau qui était peut-être le morceau le plus rock. Il y a des choses qui sont beaucoup plus dans les textures, mélangeant guitare et électronique, et puis la basse et la batterie qui ont un côté très très cyclique, très post-kraut, tout un tapis de sonorités un peu noise autour de cette de musique qui avance bizarrement. Voilà pour l'Orchestra of Constant Distress. On va continuer avec un projet nippon, d'électro nippon, une fois n'est pas coutume. Et je ne sais pas pourquoi les sonorités de monsieur Koshiro Ino, qui est basé à Osaka, m'ont tapé dans l'oreille. C'est la deuxième occurrence où je vous passe la musique de ce monsieur, qui est assez actif, puisqu'on avait passé son précédent disque qui était sorti aux éditions EM Records en fin d'année sous le nom Zuri Rhythm. Voilà, très très dur à dire, avec plein de H et des consoles et des voyelles qui ne vont pas forcément ensemble. Donc ce disque qui était peut-être un poil moins électro que celui-ci qui vient de paraître aux éditions londoniennes Where to Now, un disque tout bonnement intitulé 2020, et le titre qui démarre a presque un côté expérimental new wave, no wave. On pense pas mal aux années 80 dans des choses un peu électroniques tordues. On écoute la musique de YPI. Et ben voilà comment se faire surprendre dans l'asile le plus sûr avec une séquence qui était particulièrement hachée sur sa conclusion. On a démarré avec YPY, le projet de Koshinoro Ino, musicien japonais qui a déjà une petite demi-douzaine de disques à son actif. Celui-ci s'intitulait 2020. Il vient tout juste de paraître en vinyle aux éditions Where to Now avec un point d'interrogation à la fin. Une musique, ce titre qu'on entendait était peut-être le morceau le plus bizarre et un peu plus décalé de cet ensemble qui a un côté assez électro quand même. Et on a enchaîné avec la musique de Cone qui est un vieux projet de monsieur Jürgen de Blonde qui existe depuis les années 90, qui était au départ une musique plutôt électro chronique un peu glitché et il a gardé certains côtés de ce type de musique sur ses différents opus, souvent aux éditions Crack Records qui avait sorti son premier disque en 98, voilà le numéro 1, un CD qui sonne toujours d'ailleurs de manière assez fraîche, je dois dire. Et ben là on entendait un nouvel de Cone, toujours aux éditions belges Crack. Celui-ci s'intitule Crass Plomb, disque très varié dans des registres qui part vraiment dans des registres très différents selon les pièces, et donc c'est plutôt assez recommandable aussi ce disque de Cone aux éditions Crack, le fameux label de Gand. Voilà, l'asile est quasiment terminé. Je vous rappelle que nous avons toujours des camarades de Rennes qui sont derrière les barreaux par rapport à une certaine manifestation du printemps et que vous pouvez les soutenir en allant assister à leur procès qui se tiendra cette semaine à Rennes, mercredi très exactement à partir de 9h au tribunal de Rennes. Et si vous voulez aussi participer à différentes actions pour lutter contre la criminalisation des mouvements sociaux, vous pouvez également participer à un repas de soutien qui aura lieu cette semaine à Rennes. C'est dans un lieu qu'on va tenir volontairement secret. En tout cas, c'est une soirée gustative et aussi haute en couleurs. Vous avez plus d'informations, par exemple, en allant sur le site maisondelagreve.bou. boom.org pour ce repas éclatant de ce vendredi 23 juin, soleil d'or, terre d'acier, avec pas mal de documentation à partir de ce même site. Et on va se quitter avec l'excellente musique de monsieur Robert Aiki Low, qui est un musicien qu'on pratique depuis quelques années. Il a sorti des disques vraiment très bons sous le nom de Lichen. Ça, c'était principalement aux éditions Thrill Jockey dans les années 2000. Et depuis, il fait plutôt des projets sous son propre alias. Alors, je pense qu'il est new-yorkais, monsieur Robert Aiki Low. Il sort des choses vraiment très belles. On l'a entendu notamment aussi aux côtés de Ariel Kalma et de Johan Johansson, par exemple aux éditions Sonic Pieces. Et sous son alias, il sort des musiques un peu dronesques avec un côté aussi trans sur synthé analogique. C'est vraiment une musique brillantissime que celle qui pratique, et je vous propose d'écouter un de ses derniers opus sorti aux éditions parisiennes, si je ne m'abuse, Latency Records. Le disque s'intitule Cool Tan. Donc on va écouter à partir de la minute 51 ce disque de Robert Aiki Aubrey Lowe. La pièce s'intitule Maniamite. Je vous rappelle que cette émission est entièrement podcast stable et réécoutable à partir de son blog asile35.blogspot.fr. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses, une très belle semaine, à bientôt. in the arm. Take these chains from my heart and set me free. The gathering bomb. We'll be right back. Kaselele, kaselele, kaselele, kaselele, kaselele, kaselele, kaselele, kaselele, kaselele, kaselele, kaselele, kaselele. Twende wapi sasa? A jar. Come evening, we fiddle, as model homes ignite. Those flames smell of paint. Excuse me, have you got a light? We dial 998, completely out of spite. The date for Friday, that day when the weekend starts. Of course we met in Tattoo Bonanza, etched roses straight onto our hearts. Chameleon, we feared the as model homes ignite. The flames smell of paint. Excuse me, have you got a... No hangover, no nothing. No hangover, no nothing. Not even a single Mickey pin to charm away the mutilated. A glass dining ring, ding dong. I come in, I've been expecting you. I come in, I've been expecting you. Ding dong, goes my luxury platinum plated door. Beast takes off its Wellingtons and tramps across my floor. To sleep by counting words.